de paille brûlée. Une jupe à clochette, un collier, des bracelets et mes chaussettes qui baillent sur mes baskets. Oh.